cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Nakmil هذا الباب. قال الإمام الألباني عليه رحمة الله وكان يصلي على الخمرة on est à la fin du bab avant الرفع من السجود قال وكان يصلي على الخمرة قال في الحاشية والخمرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في السجود من حصير أو نسيجة إلى آخره والخمرة c'est une petite partie فقط كما قال مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في السجود c'est une partie pour la tête. قال أحيانا وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس هذا الحصير il est devenu noir tellement qu'il était ancien il était utilisé il est devenu noir. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآن نحن est-ce que c'est autorisé de faire sujoud sur un tapis ou le hasir? Il y a une chose entre toi et le sol. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله les hadiths sont clairs qu'on a lu. Ils montrent que النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait. فلا شك que c'est permis. قال لا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على الفراش أو على المفارش إذا كانت من جنس الأرض. Il y a aucun khilaf entre les savants, aucune divergence entre les savants, que c'est permis. Lakin, dans une chose, مثلا le tapis, il est min jins al-ard. مثلا, jarid al-nakhl à l'époque, les feuilles de palmier, مثلا. Ou un tapis avec une chose qui vient de l'ard. Une chose, ce tapis, il est fait avec une chose min al-ard. C'est le même jins. هذا العلماء يا aucune divergence. C'est comme si tu te prosternais sur le sol. C'est la même chose. قال كالخمرة والحصير وتنازعوا في كراهة ذلك على ما ليس من جنس الأرض. والعلماء ils ont divergé une chose qui n'est pas من جنس الأرض. مثلا aujourd'hui un tapis comme on a الآن en plastique. في هذا اختلفوا. وبعض العلماء ils ont dit faire sujoud sur هذا c'est makruh. C'est pas interdit. لكن le mieux c'est de se prosterner directement au sol. وتنازعوا في كراهة ذلك على ما ليس من جنس الأرض. Et il a cité des exemples, al-julud al-an'am. Matalan, بعض الناس ils font des tapis avec la peau de mouton. Vous avez vu هذا, le tapis avec la peau de mouton. Ça rentre في هذا. لأن le mouton n'est pas من جنس الأرض. بعضهم ils ont dit c'est macro, بعضهم ils ont dit c'est لا شيء في ذلك. قال وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضا. نعم. حتى sur ce genre de tapis, il y a aucun mal. C'est permis. هذا الصحيح. قال وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي وأحمد ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم انتهى. نعم. قول جمهور أهل العلم c'est que même dans le deuxième cas, que ça soit une peau de mouton, que ça soit une fourrure, que ça soit ce qu'on a aujourd'hui nous, du coton, du plastique, il y a aucun mal. لكن il faut pas oublier la condition qu'on a donnée, c'est que cette chose elle soit pure. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن لابد أن يكون طاهرا لأنه لا يمكن السجود على النجس. أما une chose d'impure, on n'a pas le droit de te prosterner dessus. قال إذ من شروط الصلاة كما سبق اجتناب النجاسة. Parmi les conditions de la salat, s'écarter de najasa, que ça soit sur toi, sur ton vêtement ou l'endroit. On avait dit trois choses. Faut pas qu'il y ait d'impureté sur toi, sur ton corps, sur ton vêtement et l'endroit. Maintenant, on parle de l'endroit. Makan al-sujud, tapis ou autre. Wa ams, on avait précisé, on n'a pas le droit de croire que ce tapis, matalan, il est meilleur qu'un autre. Ou se prosterner sur ce vêtement, c'est mieux qu'un autre. Ou sur cette terre, ou sur cette pierre, c'est mieux qu'une autre. Tout ça, on n'a pas le droit. On avait expliqué, c'est madhab al-rawafid al-dhullal. قال الشيخ ابن عثيمين إلى نبه في هذا قال ولكن قال أهل العلم يكره أن يخص أو أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه. نعم. C'est pas la peine que tu mets quelque chose que pour ta tête. مثلا أنت un bout de tapis أنت كاري هكذا. C'est que pour ta tête. هذا يا أكل حاجة. يا pas besoin هذا. قال وعلل ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتهم. نعم ça ressemble aux rawafid الضلال. Eux, دائماً, ils se prosternent sur une chose. Enfin, nous, on n'a pas besoin de هذا. Non. Si tu as besoin d'un tapis, pris sur un tapis, à m'apprendre une chose, un petit bout de tapis, ou une pierre, ou la yadou billah, comme ils font, هؤلاء, الضلال, ou du sable, ou هذا, c'est pas من السنة أبداً. انظر شرح الممتع كلام شيخ ابن عثيمين كلام شيخ الإسلام كنا سيتي مجموع الفتاوى. على كل حال يا aucun mal de se prosterner sur quelque chose. مثلا ces tapis qui font الآن مثل هذا أو un tapis directement celui de la mosquée أو même temps voyage واحد يسور son tapis لا لا بس. قال رحمه الله الرفع من السجود. الآن on a fini tout ce qui est en rapport avec le sujoud. Le Cheikh Rahimahullah, Cheikh l'Albani, il ne va pas expliquer le deuxième sujoud, c'est la même chose. Tout ce qu'on a vu pour le premier sujoud, c'est la même chose pour le deuxième. Al-An, il va expliquer Ar-Raf, quand on se relève du sujoud, la position assise, Thumma, il va passer directement au Tashahud, et après le Taslim. Qala, Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yarfa ra'sahu min al-sujoud mukabbiran, wa amra bithalika al-musi salatahu faqal. الآن on a une position prosternée sur les sept membres. Allahu Akbar. الآن on va se retrouver en position assise. قال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. Le fait de dire Allahu Akbar entre deux rukn, on a compris. Al-An, tes positions sujoud, qui est obligatoire, tu vas te relever position assise. Elle est obligatoire, كذلك. قول أكثر أهل العلم, c'est واجب. قال وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. كذلك, on avait cité هذا. عند تكبيرة الإحرام, on avait cité tous les endroits où il faut lever les mains. Et on avait cité هذا. قال في الحاشية رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح وبالرفع هنا وعند كل تكبيرة قال أحمد السنة تلف لما دون الممو وكيان حديث مثل هنا هنا هذا الآن إلى حديث لا بأس إلي غنفرسي بار فعل الصحابة توت أن بعض الحاشية قال وبه قال ابن المنذر وأبو علي من الشافعية وهو قول عن مالك والشافعي وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر. أنس وابن عمر ils ont levé leurs mains à ce moment et les deux affaires sont صحيح عند ابن أبي شيبة comme il a montré شغل الألباني بأسانيد صحيحة. À ce moment c'est une sunna de lever les mains, لكن أحيانا لأن ابن عمر il a une رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم levait les mains qu'à 4 moments. تكبيرة الإحرام الركوع الرفع من الركوع القيام من التشهد 4 مومون كما on a vu. هذا ça montre que c'est de temps en temps. لأن الحديث il est من رواية on avait dit وائل بن حجر رضي الله عنه il a rapporté qu'il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم lever les mains à ce moment quand il s'est redressé du sujoud. وابن عمر il a rapporté que dans 4 مومون ولا شك أن ابن عمر il a accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم plus longtemps que وائل. Ça montre que وائل il l'a vu. Il l'a vu faire هذا. Et Ibn Umar, la longue période qu'il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas vu. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait quelques fois. Conclusion de tout ça, à sunnah, c'est qu'on lève les mains de temps en temps. قال ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها. Il cite ce hadith pour décrire la position assise. On n'est pas au tashahud l'an. Et on ne va pas se redresser pour le qiyam. On n'est pas à jalsat l'istiraha. Là, l'an, on est la position entre les deux sujouds. Tu vas t'asseoir un moment et tu vas refaire le deuxième sujoud. قال يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. Son pied gauche, يفرشه. Al-firash, c'est hakada. Tu le mets en contact du sol. Et tu t'assois sur ton pied gauche. Ma'ruf. Et ton pied droit, il sera hakada en direction de la qibla. Les orteils en direction de la qibla. Cette position, elle est ma'rufa indakum. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له إذا سجدت فمكن سجودك وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. نعم on a expliqué la position. Tu t'assois sur ton pied gauche. قال وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. Ça c'est une sunna. الآن tu es assis sur ton pied gauche et ton pied droit il est redressé hakada, et les orteils en direction de la qibla. Alhamdulillah, cette position elle est ma'roufa inda l'ikhwan. Ça c'est pour celui qui a la capacité, bien sûr. Amma ba'd an-nas, il a du mal à s'asseoir sur son pied gauche, à lever ce pied. Celui qui a du mal, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Si ça lui fait du mal, il délaisse, il s'assoit comme il peut. Amma celui qui a la capacité, applique la sunna, fi akhir. Applique cette sunna, bi'idnillah, t'es récompensé. Tu peux rien, t'es assis. La deuxième position qu'il a citée sur l'Albani, قال الإقاء بين السجدتين. قال رحمه الله وكان احيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه هذا الاقعاء مشروع et on va voir qu'il y a un اقعاء il est غير مشروع تشبه بالكلاب il y a une position elle va ressembler à la position du chien le nabi صلى الله عليه وسلم nous a interdit هذا اما هذا الاقعاء مشروع ينتصب على قدميه او على عقبيه وصدور Aïe, tu laisses tes deux pieds levés, hakada. C'est plus comme ça, le pied gauche étalé et le pied droit, hakada. Là, l'un, t'as les deux pieds, ils sont levés et tu t'assois sur tes talons. Hala, de temps en temps, c'est une sunna. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Entre les deux. Quand tu te relèves du sujoud, t'es assis sur tes deux talons, comme tu te redresses. Comme tu refais le deuxième sujoud. Hala, c'est une sunna ahyana. Lakin, akthar. La plupart du temps, la position du prophète A.S. c'était la première. Lakin hadi de temps en temps. Alihada qal wa kana ahyanan. Et de temps en temps, parfois, il appliquait cette position. Al-iqa. Qal shir al-alwani fil hashiya, la note numéro 5. Wa qad saha ibn al-qayyim rahimahullah. Faqad qal. بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه ابن القيم وإلى دي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في كل أبخمير قال شغل الباني وكيف يصح هذا وقد جاء الإقعاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم صحيح ça te montre أن أقوال العلماء les paroles des savants tu prends ce qui coïncide avec le haqq maintenant t'as un صحيح في مسلم le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait la chose un savant pour une raison il a oublié Il pense que le hadith n'est pas sahih, lakin huna c'est ba'id, il est sahih muslim. Ou autre raison, et il dit l'inverse maintenant. À chaque que tu prends hadith al-Nabi alayhi salam, le savant il peut se tromper et il peut avoir raison. Khasatan c'est un autre savant qui te montre. Mais le huna, Ibn al-Qayyim il s'est trompé, Cheikh al-Albani il nous montre clairement. À chaque qu'on revient à Qawl Cheikh al-Albani. Walou Ibn al-Qayyim il a plus de science, Cheikh al-Islam. من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولو هذا الحجة الحديث الإمام أحمد رحمه الله قال رأي مالك والشافعي وسفيان كله سواء عندي الإمام أحمد يقول لافي دو الإمام مالك دو الإمام الشافعي دو سفيان أئمة السلف الإمام أحمد يقول pour moi c'est tous le même au niveau c'est le même je peux le prendre je peux le rejeter tout le monde il leur a expliqué il leur a dit al-hujja fil athar innama al-hujja fil athar la preuve elle est dans les textes elle n'est pas dans qu'on le foulane ou foulane un imam il peut se tromper comme là on voit des masaïl des imams ils se trompent ou ils oublient mais là imam il ne peut pas tout savoir هذا c'est مهم اما وعد المقلدة إلى un قول d'un savant خلاص on dirait c'est تنزيل من رب العالمين Si tu le contredis fi kalam, comme si tu as contredit le kitab ou le sunna, hada c'est un khata kabir. Fa kalam ahl al-ilm, tu t'aides. Ça t'aide à comprendre les textes. C'est pas un texte lui-même. Maintenant, nous, des avis sur l'Albani, on les contredit. On a des autres textes, des autres paroles de savants, on voit que c'est plus proche. Fa kalam, nous, on étudie ce livre, c'est pour nous aider. Il nous aide, il nous explique la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'aide avec sa parole. Si on voit que sa parole, elle n'est pas juste maintenant. Enfin, on prend une autre parole. Hakada kalam ahl al-ilm. Ça t'aide, c'est pas un texte, c'est pas une preuve. Ça t'aide. Tu peux le prendre, tu peux le rejeter. On parle kalam 1. Amal ijma', l'unanimité là, c'est une preuve. L'unanimité des savants, c'est une preuve. T'as pas le choix. Amal ahl, on parle kalam de 1. Alors, chaque, tu peux le prendre, tu peux le rejeter. Si tu le prends, tu le prends parce qu'il y a un dalil. Si tu le rejettes, parce que tu as un autre dalil. C'est pas que dans les passions. Je prends ce que je veux, je rejette ce que je veux. Là, tu prends ce qui est fondé sur un dalil et tu rejettes une chose qui n'est pas fondée sur un dalil. Et si c'est un savant de la sunna, tu le respectes. Voilà où il s'est trompé. Là, nous, on ne prend pas le kalam ibn al-Qayyim qui a dit le mas'ala et on le respecte. Cheikh l'islam, hafid, imam. Al-iqa al-madhmoum ou al-ghayr al-mashrou, c'est la position comme le chien. Tu écartes tes deux, tu laisses tes deux pieds, hakada, ton pied gauche, ton pied droit, et tu t'assois entre. Hada, ça ressemble à la position du kalb. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a interdit cette position. Voilà, c'est l'iqa, c'est madhmoum. C'est ce qui résume les positions qu'on a vues. Les deux positions mashrou' à la sunna. Fais-les, hatta les frères y voient. Retourne-toi et dans tata'at. Montre-nous tes jambes. Hein, la première. Ahsanta. Pied gauche, contact du sol et pied droit en direction de la qibla. Ahsan. Fais la deuxième. Voilà. Ahsan. Ah là, c'est ça les deux positions. La position qui n'est pas bonne. En contact du sol, le corps et les deux pieds à droite à gauche, hadi là. Ça ressemble à la position du calf, hadi tushtanab. Ahsanta. Deux positions valides et une position qui n'est pas bonne pour l'instant. Qala rahimahullah wujub al-itmi'nan bayna as-sajdatayn. Ça revient souvent. Lianna at-tuma'nina, c'est un rukn. C'est un pilier pour toute la salah. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a chaque rukn debout, ruku', le redressement, le sujoud, la prosternation, le redressement, toujours ici at-tuma'nina, al-itmi'nan. Lianna, c'est un rukn et c'est toujours la même chose. Son il se pose un instant. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alayhi wa sallam yatma'in hatta yarji' kullu 'azmin ila mawdi'ih. Il revient à sa place. C'est ça le tomahnina. Il reste un instant. Amma, tu le vois là, al-Ba'dan-Nas. Il est en sujoud. Il se relève et il repart. Rien n'est son dos, il n'est pas revenu droit. Et il refait la deuxième. Hada sa salati, hanaba. L'an al-An, c'est un rukn. Al-Julouz, bayna sajdatayn. Et al-Tomahnina, c'est un rukn. Qal wa amara bidhalika al-Musi salatahu wa qala laf. قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. Tout ça on l'a vu في الطمأنينة. C'est un rukn, c'est un pilier. قال وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي. Tellement que le prophète صلى الله عليه وسلم أحيانا il reste cette position. بعض الناس pensaient qu'il a oublié. Et il avait pas oublié عليه الصلاة والسلام. لا. لكن كما جاء في الحديث البراء في الصحيحين حديث البراء بن عازم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه والرفع من الركوع la position debout والسجود والجلسة بين السجدتين toutes ces positions كانت قريبة من السواء أي dans la durée elles étaient proches. Là chaque année à cette position la personne il doit rester un temps. Alors une personne il peut se demander combien de temps le minimum, tu restes au moins tu fais le dhikr. Le dhikr qu'on va voir. Comme on avait fait au ruku', au moins tu dis Subhana Rabbi al-Azim. Ça c'est le minimum. Qala al-adhkar bayna as-sajdatayn. Qala wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi hadhihi al-jalsa. Ay al-jalsa, cette position assise entre les deux sujoud. Qala Allahumma wa fi lafd Rabbi ighfirli warhamni wajburni وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذا الحديث لضعيف رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في إسناده dans la chaîne de transmission حبيب ابن أبي ثابت إلى مدلس وقد عنعن. Et ça on l'a expliqué dans le مصطلح. Celui qui comprend pas, سهل, il écrit ضعيف. Et le jour où tu feras le مصطلح بإذن الله tu comprendras هذا الكلام. وفي كامل ابن العلاء ابو العلاء وقد انكر عليه هذا الحديث كما في الكامل لابن عدي انظر فتح العلام المجلد الاول على كل حال سذكر لضعيف le deuxième قال وطارة يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي هذا الحديث لصحيح ce hadith, le deuxième, il est sahih. قال الشيخ الألباني وقد اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد. الإمام أحمد il a choisi le deuxième. كأنه رحمه الله il a su que le premier était ضعيف. On a un كلام d'Ibn Rajab, أظن. نعم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله واستحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة. حديث حذيفة c'est le deuxième. اللهم أو ربي اغفر لي ربي اغفر لي. C'est حديث حذيفة رضي الله عنه. قال فإنه أصع عنده من حديث ابن عباس. الإمام أحمد il a choisi de dire le deuxième. L'Anna, il est plus authentique que le premier. Le premier, il est daïf. Donc, Anna, l'imam Ahmed, il voit qu'il est daïf. L'Ihada, il a choisi le deuxième. Baqiyat, tu dis combien de fois? Tu dis combien de fois, Rabbi Ghvilli? Ce qui nous cite le Dalil, si c'est limité, il nous cite le Dalil. Si c'est illimité, il nous cite le Dalil. Amma l'an, on a hadith Hudaïfa. Rabbi Ghvilli, Rabbi Ghvilli. Si tu médites bien, l'an, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas limité. Ça c'est sahabi qui rapporte. Un anabi sans il dit Rabbi Rvilli, Rabbi Rvilli. C'est comme un âge, je te dis l'an, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, je m'arrête à quatre fois. Et ce que je veux, Anna, c'est que tu le dises beaucoup de fois. Lakin, ce que je t'ai dit quatre fois, c'est un exemple. Faqat. Vous avez compris? C'est pas limité. C'est pas limité comme les autres adhkars. Dites trois fois, dites deux fois, dites une fois. Là, on a un Nabi sallam, il disait Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli. Un sahabi s'est arrêté à deux fois. Lakin, ça continue. Wallahu a'lam. On lit Kalam l'imam Ahmed du Yadakal. وقال يقول ربي اغفر لي ثلاث مرات او ما شاء. الامام احمد رحمه الله il dit trois fois ou si la position elle dure fa ma sha autant qu'il veut. C'est ça صحيح. ومن اصحابي من قال يقولها مرتين. من اصحاب الامام احمد il y a une divergence ومن العلماء الاخرين ils disent deux fois, ils sont basés sur le hadith ظاهر الحديث deux fois. Ils ont dit, fil hadith Hudaifa, Rabbi Ghvilli, Rabbi Ghvilli, tu ne dépasses pas deux fois. Hada, c'est un qawl. Qal, wa minhum man qal, thalat. Il le dit trois fois. Qal, wa hamala ay Ahmad hadith Hudaifa, annahu kana yukarrir dhalik. Hada. L'imam Ahmad, il a compris hadith Hudaifa, anna, c'est pas limité à deux fois, là. Rabbi Ghvilli, Rabbi Ghvilli, c'est pour montrer qu'il le disait beaucoup de fois. L'alam, ça serait limité, ça aurait été cité dans le hadith. Tu dis que deux fois. Amma solav, wallahu alam, il montre que tu carrubes. Qawl imam Ahmed, donc c'est salab. Wakhtara hadal qawl, Cheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Wakhtara hadal qawl, Cheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, que c'est pas limité. Qal wa kana yakuluhuma fi salat al-layl. Salat al-layl ou salat obligatoire, il n'y a aucune différence. Qal thumma yukabbir wa yasjud al-sajda thaniya. Et c'est la même que la première. وأمر بذلك المصي صلاته فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Tu refais le takbir, Allahu Akbar, et tu te remets en position du sujoud. Deuxième sujoud, tu fais exactement la même chose qu'on a vu dans les doros du sujoud. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. On l'a vu. قال وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وأمر بذلك المصلي صلاته فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر. Tout ça on l'a vu, on le lit. Maintenant il est en position de sujoud, il va se redresser. قال ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأسه فيكبر. الآن t'as fini le deuxième sujoud, la même chose que le premier, tu te relèves, Allahu Akbar. قال وقال لا ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا. نعم. قال رحمه الله جلسة الاستراحة. C'est la position assise. والاستراحة من الراحة. C'est une pause. أي لا يقوم مباشرة بعد السجود الثاني. بعد السجود الثاني يجلس يستوي قاعدا. Il s'assoit. ثم il se lève. Il se lève pas directement. هذه جلسة الاستراحة المعروفة عند الفقهاء. قال الإمام الألباني قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. الآن هنا كيفية الجلسة. كيفية الجلسة على رجله اليسرى. Tu t'assois sur ton pied gauche et ton pied droit, les orteils en direction de la qibla. بقي حكم هذه الجلسة. العلماء اختلفوا، فمنهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بعدم الاستحباب، ومنهم من فصل قال بالاستحباب لمن يتعب ككبير السن أو المريض. فتتخوز أبي في هذا. فأنا في كي مونتر كو سي ريكوموندي لافي دو شيخ الألباني رحمه الله وكثير من أهل العلم. تان دوزيام أفي كي مونتر كو سي با ريكوموندي. تخوازيام قول يقولون أن هذه الجلسة لو بروفيت صلى الله عليه وسلم إلا فا كونت إلا بخي دو لاج. فقالوا أن سيت جلسة سي بور سولوي كا بوزوان با مطلقا. والراجح القول الأول أنها لمستحبة مطلقة. لأن هذا يحتاج إلى دليل، أي كون خصص هذه الجلسة بور الكبير والمريض، خاصة سلوي كي غابورت هذه الجلسة مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث سلوي كي غابورت هذه الجلسة، سلوي كي غابورت حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فانتبه لهذا، لأن مالك بن الحويرث لعل بعضكم يعرف قصته، أنه il était jeune et il est venu avec un groupe étudier chez le prophète عليه الصلاة والسلام. Ils sont restés une vingtaine de jours. ثم ils sont retournés chez eux pour faire la da'wa. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit quand ils ont voulu partir, il les a conseillés et il leur a dit صلوا كما رأيتموني أصلي. Faites la salat comme vous m'avez vu faire la salat. Et Malik ibn al-Huwayrith il rapporte أن il a vu le Nabi صلى الله عليه وسلم faire salat en faisant cette pause. Enfin, si ça serait khas pour les vieux ou pour les malades, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait montré à Malik et à ses compagnons sallu kama ra'aytumuni usalli, et il aurait précisé sauf cette pause, elle est pour les vieux, elle est pour les malades, enfin ne la faites pas. Amma le nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas précisé hada. Hada c'est un dalil qui montre anna hadi al jalsa li'am, elle est mutlaqa. Et elle est mustahabba, c'est pas obligatoire. Celui qui la délaisse, lâchez allez. Lakin, tatbiq al-sunna awla. Hadith qu'on a cité Malik ibn al-Huwayrith, il est fi sahih al-Bukhari. أن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر. المراد هنا بالوتر سيل اون ركعة امبير، إما لا بروميير ففيني لا بروميير أو للصلاة وكي كات ركعة لا تخوازيام. ففي هذا الموضع à la fin de la première ou à la fin de la troisième قال في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. Après la première raka'a, après la troisième, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se levait pas directement. Yastawi qa'idan. Il se mettait en position assise. Chaque os, il revient à sa place. Comme avait riwayat allati dhakara Cheikh al-Albani. Thumma, il se relève. Hadi jalsat al-istiraha alif sahih al-Bukhari. Qala l'imam al-Nawawi. Wa'alam أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة أن يستمر. الإمام النووي إلى شوازي لفي دي الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الشيخ الألباني إلى لو ميم أفي أي سي لافي لو بلو جوست كي فو فير توجور سيت جلسة. فالإمام النووي إلى شوازي هذا القول فاي موتر هنا أن يفو إت ريغولي بور نابورت كي. قال لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها. نعم حديث الكلير. Il n'y a pas un hadith qui, qui spécifie ce hadith. Un autre hadith, il nous montre que cette jalsa n'est que pour les vieux ou que pour les malades. Ma fille, min had. Ça, c'est des interprétations de certains ulama. Wa as-sahih, anna hadith jalsa est mutlaqa. Qal, wa la taghtar bi katrat al-mutasahilin bi tarkiha. Hada, c'est fi jami' al-sunan, la taghtar. Tu vois beaucoup de personnes, ils font pas cette jalsa. Et tu la délaisses. Là, l'ibra, c'est بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأي سفيان ورأي مالك ورأي الشافعي عندي سواء. قال الإمام أحمد الحجة في الآثار. هكذا قال إمام أهل السنة رحمه الله. قال النووي فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. فالحجة في الدليل سبا في فعل الناس. تدخل بعض الناس leur دليل c'est هذا. أن مثلا tu lui dis fais cette سنة il te répond لكن les gens ils ont pas fait أو إما إثباتا إما نفيا. الإثبات il dit les gens ils ont fait كذا il les suit أو نفيا les gens ils, font pas, ils ne font pas كذا lui aussi il fait pas. C'est pas ça الحجة. حجة c'est قال الله قال رسول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحجة البرهان القرآن والسنة. انظر كلام الإمام النووي في أصل الصفة، الشيخ الألباني لصدي في أصل الصفة المجلد الثالث. قال حفظه الله رحمه الله: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. الآن on en position جلسة الاستراحة. On s'est relevé du deuxième sujoud et on est en position assise. الآن الشيخ الألباني va décrire comment tu te relèves. قال رحمه الله: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. النهوض c'est le fait de se lever. Ça ressemble à قام يقوم. النهوض se relever. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. Première chose, أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد كان يعتمد على الأرض. Contrairement à ce que certaines personnes font, يعتمدون على الفخذين. Sur ses cuisses. أو بعضهم يعتمد sur rien du tout. Il se relève هكذا. Avec la force de ses cuisses, il se relève. هذا c'est خلاف السنة. فالصحيح c'est هذا الاعتماد على الأرض. قال: وكان يعتمد في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. Deuxièmement, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il te montre la sifa de hada l'i'timad. Il te montre que cet i'timad, l'i'timad c'est le fait de s'appuyer. Tu t'aides avec le sol et tu te relèves avec tes mains. Qala al-Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah min tariq al-Haytham ibn Imran. La chaîne de transmission du hadith, Cheikh Al-Albani قال رواه Abu Ishaq الحرب بسند صالح ومعنى عند البياقي بسند صحيح. الشيخ الألباني لحسن. الشيخ مقبل قال من طريق الهيثم ابن عمران. Dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur, il s'appelle الهيثم ابن عمران. ولم يوثقه إلا ابن حبان. Personne l'a وثق إلا ابن حبان. قال وهو يوثق المجهولين. وهذا سمعروف عند المحدثين. لأن ابن حبان رحمه الله يتساهل بهذا الباب. من هذا الباب الهيثم بن عمرة. بخصن لو وثق من المحدثين إلى مجهول إلى يكون. انظر صفة الصلاة للشيخ مقبل رحمه الله. الآن استرواية لضعيفة، لكن سافو با دير كالاعتماد المذكور في صحيح البخاري سافو با دير كي ني با افيك لي بوين. انتبه الشيخ مقبل هو يفوا كو تابي با سور لي بوين، لكن كنت انت تاناليز الحديث ينهض معتمدا، ça veut pas dire que c'est sur les mains ou la paume des mains. Ça veut pas dire que c'est comme ça. C'est pas صريح. Ça peut être الآن إما comme ça إما comme ça. أما حديث العجل اللي ضعيف والله لا. بقي لنا الآن سو حديث يعتمد. هنا حديث في صحيح البخاري قال أيوب رحمه الله عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا. مالك بن الحويرث vous vous rappelez. C'est celui qui est resté chez le prophète sallam et le prophète sallam il lui a dit صلوا كما رأيتموني وصلي. قال فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. مالك بن الحويرث il est parti dans cette mosquée, la mosquée de Abu Qilaba رحمه الله الإمام من أئمة التابعين. Et il leur a dit: je veux faire salat, lakin c'est que pour vous apprendre. Ça montre l'importance d'apprendre la salat aux gens, aux musulmans. On dira à Sahabi, il s'est déplacé pour leur apprendre la salat. Thumma, il a fait la salat. Qala Ayyub, wa kana dhalika al-shaykh. Ils ont demandé à Ayyub, il a demandé à Abu Qilaba comment il a fait salat. Malik ibn al-Huwayrith, Abu Qilaba il lui a dit: tu vois ce shaykh عمرو بن سلمة فانظر صلاة إلى فلان من صلاة كمالك بن الحويرث. قال وكان ذلك الشيخ نختصر سلون إذا رفع رأسه نعم. قال واعتمد على الأرض ثم قام. هذا الشاهد. الآن الاعتماد إلى صحيح، الاعتماد إلى صحيح. مالك بن الحويرث il aura rapporté la prière du prophète عليه الصلاة والسلام et il a appliqué l'اعتماد. الآن هذا الاعتماد est-ce que c'est sur la paume des mains hakada ou sur le poing? Cheikh Bazmoul كذلك حفظه الله il a un بحث جيد في صفة الصلاة حول هذا et il a choisi ce قول حفظه الله et il est قريب. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. الآن تدبوا دوزيام ركعة. قال الشيخ الألماني كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية يستفتح بالحمد لله. فالظاهر الحديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم لم يسكت غسيت الحمد لله ديريكتومون. قال الشيخ الألماني في الحاشية رواه مسلم وأبو عوانة والسكوت المنفي في الحديث يحتمل أنه السكوت لقراءة الدعاء الاستفتاح. أما البسملة البسملة الثابتة كانت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسيت البسملة. قال فلا يشمل السكوت لقراءة الاستعاذة. نعم حتى الاستعاذة هنا بيبي أن الشيخ الألباني رحمه الله وكثير من العلماء إذن شوازي القول أن الشك ركعة تغدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غسيت الحمد لله. لكن الاستعاذة والبسملة في صلاة الجهرية تلدي أفوباس كمون أبي. فالسكوت المنفي عن هنا أي دعاء الاستفتاح لأن لزود حديث موتك النبي صلى الله عليه وسلم يغسط البسملة. القرآن كلام الله عز وجل إنه موت أن أفن ذيغ القرآن تستعذ بالله من الشيطان. فإن غصم لن تسعد الله tu fais sortir les dua les istiftah c'est que dans la première rak'a et les autres tu le dis avec les autres dalil les autres adhkar. قال ويحتمل انه عام من ذلك والراجع عندي الاول. نعم يا خلاف المساله بعض العلماء ils sont appuyés sur ce hadith ils ont dit la deuxième rak'a tu récites directement alhamdulillah tu récites pas le basmala لان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الحمد لله ولم يسكت. لكن الراجح avec tous les autres adillah c'est que هذا c'est في دعاء الاستفتاح والله اعلم. قال وللعلماء في الاستعاذه في غير الركعة الأولى قولان والراجع عندنا مشروعيتها في كل ركعة. هذا on l'a vu au début du dors. Les premiers dors c'était sur ça, on avait détaillé هذه المسألة. قال وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. نعم. On est dans la deuxième ركعة. On a fini d'expliquer la première. Toute la salat الآن c'est comme ça. La deuxième ركعة, la troisième, la quatrième. Pour les salats où il y a 4 rak'ah, c'est à chaque fois la même chose. Et Cheikh Al-Albani, là, il va passer directement au tashahhud. Il va expliquer que les choses, tashahhud ou taslim. Et après, Inch'Allah, c'est fini. Mais la rak'ah, khalas, il l'a expliqué à chaque fois, c'est la même chose. Qala rahimahullah, wujub qira'at al-fatiha fi kulli rak'ah. Hada, on l'a vu. Ma dalil ala hada? لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث للصحيحين. قال وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية في كل ركعة. وقال وفي كل ركعة قراءة. on l'a vu هذا نحن on l'a vu au début du livre. A partir de demain, Inch'Allah, on commence à tashahhud. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.